La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. En cette semaine de rentrée des classes, nous revenons sur quelques grands romans de l'école et du pensionnat. Le pensionnat parce qu'il constitue une façon plus extrême, plus nocturne, pourrait-on dire, d'expérimenter la vie au sein d'un établissement scolaire. Robert Musil l'a bien montré dans Les désarrois de l'élève Torless, avec l'hypocrite bienséance régnant la journée dans ce collège militaire où se déchaînent pourtant la nuit les esprits les plus animaux. Nous en parlions hier avec Frédéric Joly dans une émission à réécouter en podcast. Ce milieu du pensionnat militaire, nous allons l'aborder sous divers aspects cette semaine. Ce sera le cas jeudi avec l'écrivain et professeur au Collège de France, Antoine Compagnon, qui viendra nous parler de son livre « La classe de Réto », dans lequel il transpose son expérience d'élève au Prytanée de la Flèche dans les années 60. Nous l'aborderons également demain au cours d'une émission consacrée au premier roman de Mario Vargas Llosa, « La ville et les chiens », dans lequel le prix Nobel péruvien s'est inspiré de ses années passées dans un internat militaire particulièrement dur. C'est Albert Bensoussan qui sera là pour nous en parler. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une toute autre atmosphère pour parler du livre Claudine à l'école et plus généralement des rapports de Colette avec l'école. Nous sommes en compagnie de Frédéric Magé, grand spécialiste de l'œuvre de l'écrivaine dont il a dirigé avec Gérard Bonal le cahier de Lerne qui lui a été consacré en 2011. Il est également le directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur en Puisée et intervient régulièrement, vous le savez, le jeudi comme chroniqueur dans cette émission. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny, j'y suis née en 1884 et probablement je n'y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi. Montigny en Frénois, jolie petite ville de 1850 habitants, construite en amphithéâtre sur la Thèse, on y admire une tour sarrasine bien conservée. Moi, ça ne me dit rien du tout ces descriptions-là. D'abord, il n'y a pas de Thèse. Je sais bien qu'il est censé traverser des prés au-dessous du passage à niveau, mais en aucune saison vous n'y trouveriez de quoi laver les pattes d'un moineau. Montigny construit en amphithéâtre ? Non, je ne vois pas ainsi. À ma manière, c'est des maisons qui dégringolent depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la vallée. Ça s'étage en escalier au-dessous d'un gros château, rebâti sous Louis XV, et déjà plus délabré que la tour sarrasine, épaisse, basse, toute gainée de lierre qui s'effrite par en haut un petit peu chaque jour. C'est un village, pas une ville. Les rues, grâce au ciel, ne sont pas pavées. Les averses y roulent en petits torrents secs au bout de 2 heures. C'est un village pas très joli même et que pourtant, j'adore. La première page de Claudine à l'école dans la voix de Valérie Lemercier. Bonjour Frédéric Magé. Bonjour. C'est toujours un plaisir de réécouter cette première page de Claudine à l'école, même pour vous qui connaissez tout cela par cœur et puis depuis tellement longtemps. Oui, c'est toujours un plaisir. D'abord parce que ce sont les premières lignes de Colette qui annoncent d'autres lignes. Et puis parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces premières lignes qui disent déjà beaucoup sur le roman lui-même, bien sûr, et sur Colette. D'abord cette première phrase qui est admirable pour une jeune femme qui n'avait aucune formation d'écrivain, en tout cas lorsqu'elle a commencé à écrire Claudine à l'école. Et puis ce rapport tout de suite au savoir, puisqu'elle prend son manuel de géographie, tout de suite elle réfute chacune des assertions de ce manuel, comme si d'emblée le personnage de Claudine s'imposait comme une anticonformiste. Alors, parler de Claudine à l'école dans notre thématique sur Colette et l'école, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a dans l'œuvre de Colette, hormis ce livre-là, beaucoup de références à l'école et au milieu scolaire, Frédéric Magé? En fait, non. C'est principalement dans Claudine à l'école que la référence à l'école apparaît. Quand on découvre les adolescents, et tu sais qu'ils sont nombreux chez Colette, ce sont toujours des adolescents qui sont sur le point de quitter l'école, soit qui sont en vacances, soit qui sont en âge d'envisager une vie d'adulte. et lorsqu'ils reçoivent des formations, sont toujours des formations anticonventionnelles. On pense bien sûr au pendant de Claudine à la fin de la vie de Colette, qui est Gigi. Gigi qui va à l'école, mais la véritable formation de Gigi, elle l'a auprès de sa tante, la tante Alicia, ancienne cocotte, qui lui donne donc les règles d'une future cocotte en herbe. Donc vous voyez, on est là encore, hein, pourtant on est en 1944, hein, dans une vision tout à fait finalement décalée par rapport à l'institution scolaire, comme si Colette, qui n'en gardait pourtant pas de mauvais souvenirs, a toujours su... pour citer Rimbaud, que la vraie vie était ailleurs. Donc c'est la jeunesse qui l'intéresse davantage que l'éducation qu'elle va recevoir à l'école. Je dis elle, mais je veux aussi parler de Claudine, qui est une transposition de son passage quand même à l'école. D'ailleurs, dans quelle mesure est-ce que Claudine et Colette se ressemblent ? Alors, on a beaucoup écrit sur le sujet, disons-le tout de suite, Claudine, c'est Colette. Bien sûr, il y a des différences entre le personnage de fiction et Colette elle-même, des différences physiques, des différences d'âge, mais dans l'esprit, Claudine est une transposition de Colette. En tout cas, tous les témoignages que l'on possède sur les premières années de Colette à Paris témoignent de ce caractère pittoresque, patoisant, insolent du personnage de Claudine. Donc oui, elle est Claudine. Ce qui fascine Colette à l'école, c'est évidemment la scène que lui offre en fait l'école, puisque le personnage de Claudine se met en scène perpétuellement, et en fait la salle de classe ou la cour de récréation est l'occasion pour elle de se mettre en scène elle-même. C'est son premier théâtre. Et il y a de toute façon dans Claudine à l'école une part théâtrale extrêmement importante qui rappelle que chez Colette la tentation du théâtre est omniprésente. La plupart des grands romans de Colette, que ce soit Chéri ou que ce soit Le blé en herbe, ont été dans l'esprit de l'auteur des pièces de théâtre. Elle-même a été actrice, elle-même a écrit quelques pièces, elle s'est toujours rêvée comme un auteur de théâtre, et les dialogues sont très très importants dans Claudine à l'école, et les interventions d'ailleurs de la narratrice s'apparentent bien souvent à des didascalies. Donc Claudine à l'école, c'est tout de même son premier roman, on va revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment que ce livre encore aujourd'hui est suffisamment pris au sérieux? Parce que peut-être c'était un premier roman, parce qu'il n'était pas signé Colette, mais Willy, on va également revenir sur ce point-là. Peut-être ne considère-t-on pas ce roman comme on devrait. Je dirais qu'on a raison. On aurait tort de prendre ce livre au sérieux. Colette ne s'est pas prise au sérieux en l'écrivant. D'abord, ça n'empêche pas le génie. Alors oui, ça n'empêche pas le génie, mais alors, c'est très compliqué parce que je ne peux pas dire et je ne dirai pas ici que Claudine à l'école est un roman génial. C'est un roman drôle, touchant, qui contient des pages absolument admirables, mais qu'en fait on ne peut lire, enfin que moi en tout cas je n'arrive qu'à lire à la lumière de ce que je sais de l'œuvre qui vient après. La façon dont Claudine à l'école a été reçue et lue en 1900, cette façon nous est aujourd'hui complètement étrangère. Pourquoi ? Comment a-t-il été lu justement ? Il faut rappeler que ça a été un best-seller, ce livre. Claudine à l'école et la série des Claudine a été le plus gros succès commercial de la Belle Époque. Claude Pichot et Alain Brunet vont même dire, dans leur biographie consacrée à Colette, que c'est l'un des plus gros succès de toute l'histoire de la littérature. C'est un véritable phénomène de mode au-delà d'un phénomène littéraire. D'abord, le livre s'arrache, on se vend des dizaines de milliers d'exemplaires. Je retrouvais des chiffres hier ou avant-hier. Enfin, en 1907, on était à la 120e édition de Claudine en ménage, par exemple. Ouais. Il y a même des adaptations en bande dessinée aujourd'hui, comme celle de Lucie Durbiano. Il y a des adaptations en bande dessinée, il y a eu l'adaptation à la télévision. Même le film, le biopic de Colette, qui est annoncé pour les mois qui viennent avec Keira Knightley dans le rôle-titre, c'est à cet épisode qu'il s'intéresse. Et pourtant, ça n'est pas génial, c'est ça que vous dites. Il n'y a pas de génie dans cette Claudine à l'école en particulier. On ferait mentir le roman, parce que quand Colette l'a écrit, elle n'avait aucune prétention à la littérature et aucune prétention au génie. Elle l'a fait d'abord parce que Willy, son premier mari, lui a suggéré d'écrire ses souvenirs, pensant qu'il y avait peut-être quelque chose à en tirer. On peut imaginer que Colette, dans les salons parisiens, faisait déjà sensation avec son accent poyaudin, racontant ses anecdotes d'écolière, et que lui s'est dit qu'il y avait là quelque chose à en faire. Mais lui-même, je pense, a été surpris par le fantastique succès de Claudine à l'école, qu'il va savoir, il faut le dire, magnifiquement orchestré. Claudine à l'école a donc été publiée en mars 1900 chez Ohlendorf, signée donc Willy. Faut dire quand même qu'il y aura après Claudine à Paris en 1901, Claudine en ménage en 1902, Claudine s'en va en 1903, La retraite sentimentale en 1907, et puis on pourrait peut-être ajouter la petite nouvelle qui s'appelle Le miroir, qui est l'un des textes des Vrilles de la Vigne, paru en 1908. Donc c'est tout de même un corpus très important, et un corpus qui va servir, Frédéric Magé, beaucoup dans les écoles, justement, et peut-être en particulier le premier d'entre eux, Claudine à l'école, va servir pour des dictées, et sert encore peut-être pour des dictées. Alors, je pense pas que pendant très très longtemps on ait osé apporter Claudine à l'école sur les bancs de classe pour le côté très scabreux des romans. Il faut quand même dire que Claudine à l'école, entre autres choses, raconte l'histoire, la double histoire d'amour de Mademoiselle Sergent, la directrice d'école, avec une de ses institutrices et avec le maire du village qui lui-même a la main très légère avec les jeunes filles. Imaginez donc ce que ça aurait donné. J'étais moi-même très étonné de voir qu'il y a 3 ans de cela, les éditions Magnard publiaient Claudine à l'école dans une édition parascolaire pour les plus jeunes. Mais pourtant, il y a bien des dictées quand même. Alors, il y a beaucoup de dictées, à partir des textes mais de davantage, Colette. Vous citiez tout à l'heure un texte comme Le miroir, dans Les Vrilles de la Vigne. Alors voilà, là, Les Vrilles de la Vigne, voilà un texte qui a beaucoup servi à l'école. Il faut dire que Colette excelle dans l'accord de participe passé, le mot rare, l'adverbe. Colette avait le goût du mot extrêmement précieux et elle avait une maîtrise de la langue absolument extraordinaire, il faut le dire. Et ces textes ont souvent laissé à ses lecteurs de terribles souvenirs de dictées parce que, justement, il y a chez elle des pirouettes stylistiques et grammaticales absolument extraordinaires. Moi-même, je suis étonné parce que quand on annote les textes, parfois, on trouve des usages qui nous semblent ou fautifs ou en tout cas extrêmement vieillots. Mais dès qu'on va à la source, on voit que cela témoigne d'une connaissance extrêmement fine et extrêmement précise de la langue. Il y a une langue qui est très classique. C'est peut-être pour ça que le système scolaire peut aussi se l'approprier. Oui, alors ça a été la tentative faite par l'école, notamment après la mort de Colette, évidemment, de classicisation de Colette, c'est-à-dire en faire un auteur classique. Et c'est pas le cas. Eh ben non, parce que je pense qu'elle est un auteur beaucoup plus subversif, dérangeant que cela, et que la langue, si la forme en paraît classique, est tout à fait unique. L'art que Colette a, déjà dans les Claudines d'ailleurs, de recréer la sensation par l'usage du langage, ce côté très sensuel de la langue, non pas au sens simple du terme, mais au sens utilisation des 5 sens. Est tout à fait particulier, tout à fait original, et c'est au-delà du classicisme, et c'est très moderne. Donc je préfère dire que Colette est moderne que classique. Les élèves du brevet élémentaire, levez-vous s'il vous plaît. Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine. Non, moi je rentrerai chez moi. Comment vous appelez-vous ? Claudine. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Par le docteur Duterte, peut-être ? Il paraît que vos compositions françaises sont aussi originales que votre langage. Nous verrons bien. Qui est Amélie Lamblin ? Vous n'avez que 9 ans, mademoiselle, il faut aller dans la petite classe. Mais paraît que j'en parais 12, alors... Votre écriture en paraît 6. Est-ce qu'elle est méchante? Ouais, mais c'est une fortiche. T'as vu comme elle a encaissé le coup du terre tout à l'heure? Toi, tu vas te faire prendre en grippe, ma vieille. Tout à l'heure, je m'en fiche pas mal. Mademoiselle! Mais y a personne pour surveiller les petites! La suppléante de Mademoiselle Cuvelier est partie, elle aussi. La nouvelle suppléante sera là dès la semaine prochaine. Je m'occuperai des deux classes en attendant. Un extrait de Claudine à l'école, téléfilm, dans une adaptation d'Edouard Molinaro, avec dans le rôle-titre Marie-Hélène Breuillat, extrait dans lequel on entend surtout que Claudine à l'école, eh bien, c'est à l'école de l'impertinence, Frédéric Magé. C'est ça la caractéristique principale du personnage de Claudine. Elle est terrible, disait Rachilde, terrible debout, disait-elle. Oui, c'est un personnage d'une formidable impertinence. C'est presque, je dirais, la première héroïne moderne de notre littérature. En tout cas, à cette époque, en 1900, elle dénote considérablement sur les images symboliste ou décadente de ces femmes un peu fantomatiques et transparentes. Elle est vivante, effectivement, impertinente, insolente, sincère jusqu'à la cruauté, vraie en un mot. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, je vais faire des anachronismes, mais la Colette de Claudine ou la Claudine de Colette ressemble beaucoup à la saga de Bonjour Tristesse, par exemple. Il y a, ce côté violent, fort et impertinent. Alors évidemment, dans Claudine à l'école, ça donne lieu à des scènes d'une drôlerie insensée. On ne dit pas assez, Colette, d'abord c'est très drôle, Colette était très drôle, et Claudine à l'école, c'est très très drôle. Les scènes d'impertinence avec Mademoiselle Terrain, avec Mademoiselle Aimée, son vrai professeur, ou les scènes pendant le brevet, l'épreuve des brevets alimentaires, la façon dont elle répond aux examinateurs, c'est très très très drôle, très drôle. D'où ça lui vient alors cette impertinence? Est-ce que ça lui vient de sa famille? Est-ce que ça lui vient des livres qu'elle a pu lire? Quelle genèse on peut faire finalement de ce caractère impertinent? Eh bien, de sa famille et de sa mère, bien sûr, puisque l'anticonformisme de Colette, c'est d'abord l'anticonformisme de sa mère. Sido est une femme tout à fait extraordinaire qui avait été élevée en Belgique auprès de ses frères, notamment son frère aîné Eugène Landois, dans un milieu de journalistes, d'artistes, d'écrivains, anticléricaux, pro-maçonniques, très proches de Victor Considérant et de la libre pensée. Et Sido, lorsqu'elle arrive à Saint-Sauveur, on la regarde un peu de travers parce qu'évidemment c'est l'étrangère, et c'est une femme qui refuse le compromis. Et effectivement, elle est tout aussi impertinente et drôle quand vous pensez qu'elle emmène son chien aboyer à la messe pendant l'élévation, qu'elle cache les œuvres de Corneille derrière son missel, qu'elle refuse de donner ses fleurs aux enterrements, arguant que évidemment donner des fleurs à des morts c'est quand même dommage. Il y a évidemment ce côté frondeur d'une certaine province française, pour reprendre l'expression de Michel Del Castillo, dont Colette est l'héritière. Et cela va de pair avec quelque chose qu'on retrouve chez Claudine, qui est ce côté hautain et méprisant. Il y a ça aussi chez Claudine et chez Colette, ce sentiment très fort de sa différence et de cultiver cette différence, de ne jamais la voir comme une honte ou comme un péché, mais comme une force. Donc ça, c'est ce qu'elle tire de Sido. Qu'est-ce qu'elle pourrait hériter de son père, Frédéric Magé? Alors, de son père, elle hérite peut-être le désir d'écrire. Vous connaissez sans doute cette célèbre anecdote des pages du Capitaine, des manuscrits perdus du Capitaine. Le Capitaine s'était toute sa vie rêvé une carrière d'écrivain. Il s'enfermait dans son bureau pour travailler. Et dans la famille, on était très intrigués parce qu'on ne voyait jamais rien paraître. Pas un article, pas un livre. Alors, à sa mort, en 1905, on se précipite vers la bibliothèque où sur un rayonnage étaient précieusement rangées les œuvres complètes du Capitaine. Imaginez une douzaine de tomes reliés uniformément, des titres, on ouvre chacun des volumes, des milliers de pages blanches, l'œuvre imaginaire de mon père, le mirage d'une carrière d'écrivain, ce qui permettra à Colette d'expliquer bien des années plus tard, elle qui prétendait ne jamais avoir eu la vocation d'écrire, pourquoi elle avait écrit, puisque allant voir une voyante, Colette croyait beaucoup à la voyante, et cette voyante lui dit « Madame, il y a au-dessus de votre épaule une ombre grise qui regarde par-dessus votre épaule, qui sourit, car vous avez réalisé ce que lui n'a pas pu. » Donc, du Capitaine, elle tient cela, elle tient aussi ce caractère, très poétique, puisque finalement, c'est pas avec Sido qu'elle parle de littérature, c'est avec le Capitaine, justement. Et elle lui reproche déjà d'employer trop d'adjectifs. Et ça rappelle le reproche que Willy lui-même formulait à Colette, vous êtes la dernière des lyriques. Et Colette formule le même reproche à son père. Donc finalement, elle a eu la chance, non pas de vivre dans un foyer où il y avait de l'argent, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup, mais de vivre dans un foyer où on aimait la culture, où on considérait les enfants, non pas comme des enfants, mais comme des gens qui pouvaient réellement comprendre et qui on pouvait réellement discuter. Et puis une maison, en effet, où il y avait des livres, mais quels livres alors ? On lit beaucoup chez les Colette. Vous parliez d'amour de la culture. Le capitaine et Sido vivent dans cet amour de la culture, de la musique, beaucoup, et beaucoup de littérature. On a entrepris à la maison de Colette un travail tout à fait passionnant de reconstitution de la bibliothèque de l'enfance de Colette. Et on a découvert que c'était une bibliothèque qui était très richement pourvue pour l'époque. Et il faut savoir une chose qui est importante, c'est que Sido, la mère, n'avait posé qu'un seul interdit, la littérature enfantine. Il n'y en a pas chez les Colette. Ce qui signifie que dès l'âge de 5 ou 6 ans, les enfants, garçons et filles, et c'est important, sont invités à piocher très librement dans cette bibliothèque. Ce qui signifie que Colette, donc on est là dans les années, on va dire 5-6 ans, 70, 1880, a accès à une littérature qui était complètement interdite aux jeunes filles de son temps. Colette lira Zola, par exemple, à l'âge de 10 ans. Et très vite, elle a accès à celui qui restera pour elle son maître, qui est Balzac. « Je suis né dans Balzac », dira-t-elle, « mon berceau, mon domaine, mon voyage ». Et les visiteurs de la maison de Colette peuvent d'ailleurs voir dans la bibliothèque l'édition Oussio des œuvres complètes de Balzac, entièrement annotée de la main de Colette, qui témoigne de la connaissance très très fine qu'elle avait de l'œuvre de Balzac, sachant que son œuvre elle-même est truffée de citations, souvent cachées de l'œuvre de Balzac. Alors, il y a très peu de littérature, on va dire, dite classique chez les Colette, c'est-à-dire il n'y a pas de littérature quasiment 16e, 17e, 18e, c'est surtout de la littérature du 19e, donc contemporaine pour les parents de Colette, jusqu'à la littérature contemporaine, puisque je disais tout à l'heure qu'on lisait Zola. Et c'est là qu'elle va faire sa véritable formation. Mais alors, voilà une enfant qui arrive à l'école avec un bagage culturel qui n'est pas du tout celui des autres élèves. Qui sont-ils d'ailleurs ces autres élèves ? Ben, elle le dit, puisque Sido, anticléricale, hors de question de placer sa fille, évidemment, dans une école religieuse. Elle la place donc à la laïque. Ça ne se fait pas dans le milieu auquel, en tout cas, appartiennent les Colette, qui sont des bourgeois, qui habituellement placent leurs enfants dans des pensions, souvent d'ailleurs des pensions religieuses. Elle va à la laïque, c'est-à-dire qu'elle côtoie les filles d'épiciers, les filles de gendarmes, certains paysannes qu'on va chercher pour les amener à l'école. Hein. C'est vraiment la période de la grande conquête des campagnes par l'école laïque et républicaine, et c'est cette école que Colette va connaître. Et du coup, c'est une élève isolée, c'est une élève qui a tendance à juger ce milieu-là de l'école un peu étrange. Dans quelle mesure est-ce qu'elle se sent bien dans l'école ? Alors, je pense qu'elle commence par s'ennuyer, en tout cas à l'école primaire. L'évocation qu'elle donne de sa première institutrice, une dame assez âgée qui ne s'était pas vraiment tenue au courant des changements de la pédagogie, l'ennuie assez profondément. Puis arrive dans le village Olympe-Terrain, qui sera cruellement caricaturé donc en Mademoiselle Sergent dans Claudine à pourtant, l'école. Pourtant, plus tard, on ira interroger cette Madame Terrain. Voilà. Elle fera beaucoup d'éloges sur Colette. Parce que là, Colette, pour la première fois, trouve en face d'elle une femme capable de lui répondre. Parce que les institutrices, c'est ce qu'on entend dans l'extrait du film, ouais, les institutrices de cette époque-là sont des femmes intellectuellement extrêmement armées. Et là, enfin, elle a en face d'elle quelqu'un avec qui elle peut véritablement échanger. Donc ça a tout changé pour Colette dans ces trois dernières années, c'est-à-dire de 1887 à 1890. Donc il y a du respect de la part de Colette pour l'image du professeur, de l'institutrice, et c'est quelque chose qui restera. Il y a en même temps, il y a à la fois de l'admiration et en même temps une forme de tristesse et de compassion, parce qu'elle voit également la misère dans laquelle vivent la plupart de ces institutrices. Hein. Elle évoque le salaire, dans le roman de Claudine à l'école, le salaire de Mademoiselle Aimée, donc une des institutrices, 75 francs par mois. On pense qu'elle gagnait même encore moins. C'est ridicule hein, à l'époque. Un instituteur gagne entre 1500 et 1600 francs par an. Et donc les conditions de vie sont très rudes. C'est pas du tout de quoi faire rêver la jeune femme. De toutes les maisons que vous avez habitées, vers laquelle retournent le plus volontiers vos souvenirs ? Oh, ma maison natale, naturellement. C'est une maison de village, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille, elle rassemble autour d'elle une petite cité de 1300 ou 1500 habitants, un jardin négligé. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils. Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire et le certificat d'études. Mais vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non. C'est une archive que vous devez connaître, Frédéric Magé, vous qui êtes directeur de cette maison dont Colette parle. Vous allez souvent, j'imagine, visiter ou au moins passer devant l'école où Colette a étudié enfant et qui est donc l'inspiration de Claudine à l'école. Vous faites ce pèlerinage quelquefois ? On le fait très régulièrement. D'abord parce que on organise régulièrement des balades littéraires sur les pas de Colette qui débutent à la fois à l'école et dans la salle de classe, puisqu'on a reconstitué une salle de classe de la Troisième République dans une aile du bâtiment. Ceci étant dit, ce n'est pas l'école que Colette a connue. C'est l'école qu'on inaugure à la fin de Claudine à l'école, c'est-à-dire le très grand groupe scolaire qui doit accueillir donc le pensionnat des garçons et des filles. L'école de Colette se trouvait au même emplacement également, mais dans une ancienne maison bourgeoise qui avait été utilisée pour les besoins, qui était beaucoup plus petite et beaucoup plus modeste. Colette assiste finalement à cette conquête des territoires par l'école républicaine. Elle voit construire ce grand groupe scolaire puisque Claudine à l'école se termine sur l'inauguration de ce groupe. On peut encore voir, hein, d'ailleurs, à Saint-Sauveur, la pierre qui a été frappée par le docteur Merloux, devenu dans le roman le docteur du Tertre. Mais elle ne reviendra pas tellement, finalement, dans cette maison, dans ce village. Quand elle l'aura quitté, c'est quelque chose qu'elle laissera un petit peu derrière elle et elle n'aura pas la nostalgie de venir retourner sur les bancs de son école, de revoir le bâtiment. Alors si, d'abord très peu de temps après le départ, puisque dès 1895, donc 2 ans après le mariage avec Willy et Colette font le voyage de Saint-Sauveur et sont hébergés par Olympe Terrain. L'idée étant dans donc un y a premier... Bien une complicité finalement entre cette institutrice et Colette. Non, parce qu'elle ne se doutait pas de ce qui allait se passer. Si elle l'avait su, elle les aurait pas reçus, évidemment. Mais l'idée de Willy était sans doute à la fois de vérifier les dires de son épouse, finalement, et puis pour Colette, de rafraîchir ses souvenirs. Donc, elle y est retournée. Et si Claudine à l'école, enfin... Si en tout cas le premier ouvrage de Colette est un ouvrage qui se situe à Saint-Sauveur, qui met en scène les personnages de son enfance, c'est déjà dire que toute sa vie ou toute son œuvre ne sera que le regret de cette enfance perdue. Et on peut lire toute l'œuvre de Colette, depuis Claudine à l'école jusqu'à Ces dames anciennes, le dernier texte qui a été publié de son vivant, comme l'expression de cette blessure jamais guérie de ce départ de Saint-Sauveur. Quant au retour de Colette à Saint-Sauveur, il en a été question quasiment toute sa vie. Dans les lettres de Sido à Colette que l'on conserve, on voit que Sido veut que Colette rachète la maison de Saint-Sauveur. En 1925, c'est un lecteur de Colette qui la rachète pour la redonner à Colette. Colette y revient, elle veut s'y réinstaller. Mais à Saint-Sauveur, évidemment, on ne veut pas d'elle, puisque Claudine à l'école, qui était une satire du village, eh bien les personnages se sont reconnus et on n'a pas pardonné à Colette. Donc finalement, Colette n'aura cessé de venir ou de vouloir revivre dans cette maison et de retourner dans ce village. Et finalement, en ouvrant aujourd'hui cette maison et en reconstituant son décor d'enfance, on a parfois le sentiment d'avoir accompli ce qui n'était qu'un rêve pour Colette. Bon, au moins par rapport à ses frères et sœurs, elle a pu rester plus longtemps dans ce village et dans cette école, puisque ses frères et sœurs, eux, ont été envoyés en pension. Elle est restée près de sa mère et de son père. Pour quelles raisons ? Les raisons sont multiples. Je pense que la relation de Sido avec Colette était tout à fait particulière, singulière, hein, minée chérie, joyau tout en or, chef-d'œuvre, merveille. C'est vrai qu'elle n'a pas d'expression assez élogieuse. Elle est dans une relation d'identification qui est complète avec Colette. Donc elle ne veut pas que la petite dernière aille en pension. Il faut dire aussi que les conditions de vie en pension, Colette le savait, et Sido aussi, puisqu'elle avait les témoignages d'Achille, de Léo et de Juliette, étaient terribles. Qui ont beaucoup souffert, oui, justement. Ils ont beaucoup souffert de leurs années de pension. De leur vie en pension. Ils revenaient couverts de puces, disait Colette. Ça aurait fait un excellent roman, ça, par Colette. C'est quand même dommage. Oui, mais en tout cas, la mère ne se sentait pas le cœur d'envoyer la petite dernière en pension. Et puis, souvenez-vous qu'après le mariage de Juliette, la ruine guette, et donc peut-être aussi qu'on n'a plus les moyens de placer la petite dernière en pension. C'est aussi possible. Alors, quand les frères et sœurs reviennent, les enfants s'amusent beaucoup, et notamment dans des promenades dans les bois. C'est aussi Colette, à cette époque-là, à l'école de la nature, à l'école du jeu, tout ça avec ses frères et sœurs. Oui, avec ses frères, hein, qu'elle appelle les sauvages. Évidemment, quand on a une mère possessive, le grand jeu, c'est de vouloir lui échapper. Donc, finalement, toute la vie des enfants et la vie de Gabriel, c'est de vouloir échapper à la surveillance de cette mère. C'est le premier texte qui ouvre la maison de Claudine. Hein. Où sont les enfants? C'est le cri de Sido, hein, qui retentit sans cesse et sans cesse. Mais c'est vrai que c'est auprès de la nature qu'elle va faire sa véritable formation. Mais là encore, Sido sert d'intercesseur. Hein. Il y a, et Colette fait la distinction entre le savoir de son père, qui était un savoir livresque, c'est-à-dire qu'il désignait une plante par son nom scientifique, latin, et le savoir de sa mère, qui était un savoir presque ancestral, mystérieux, presque magique. Hein, c'est ce qu'elle fait de sa mère, une espèce de sorcière, finalement, de déesse-mère qui parle aux éléments de la nature. Et c'est Sido qui va livrer à Colette ce mot que l'écrivain va réemployer sans cesse et sans cesse, « regarde ». Apprendre à regarder la nature sans le prisme du savoir, par le simple regard. Et finalement, cet art, c'est un art du regard chez Colette. Hein. Apprendre à regarder sans juger, sans idée préconçue, c'est une démarche qui va irriguer ensuite hein, toute son œuvre. Mais alors, ces enfants, ce sont des rêves vivants pour les instituteurs et les institutrices, parce que ce sont des enfants turbulents, mais d'une turbulence étrange, puisqu'elles ne s'accompagnent d'aucun cri. Oui, peut-être parce qu'il était intérieur, finalement. Ce sont des enfants. Colette parle souvent d'une enfance silencieuse, parce que c'est une jeune fille qui passe son temps à observer, à regarder, à écouter, à tendre ses antennes. Hein, c'est ce qu'elle dit vers le monde extérieur. Et elle fait évidemment provision dans son enfance, dans le jardin de Saint-Sauveur et dans les bois qui l'entourent, d'une provision de sensations, d'émotions qu'elle va ensuite décliner dans toute son œuvre. On parlait des personnages d'adolescents tout à l'heure. Il est évident que cette passion pour ce que Colette appelle les éclosions lui vient de sa mère. Hein. Apprendre à respecter la vie, même au plus secret de la terre, c'est une des leçons que Sido transmet à sa fille et qu'elle va transposer à l'ensemble du règne vivant. Elle qui disait à son propos quelques mois avant de mourir, je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre. On va continuer de parler de tout cela avec vous, Frédéric Magé, juste après la chronique dans Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique aujourd'hui proposée par Valérie Toragnan, directrice de la revue des Deux Mondes. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors que trouve-t-on dans ce numéro de rentrée de la revue des Deux Mondes? Un dossier sur l'Iran intitulé « Iran, la guerre qui vient ?» Point d'interrogation. C'est la question que pose la revue des Deux Mondes. À l'issue d'une séquence diplomatique internationale sous haute tension, après la rupture de l'accord sur le nucléaire iranien par Donald Trump, le président américain accuse l'Iran de mentir sur son programme, alors que les organismes de contrôle internationaux disent l'inverse. Peut-on faire confiance au régime des ayatollahs, alors qu'il déverse depuis 40 ans sa haine antisémite et ne cache pas sa volonté de détruire Israël? Comme le rappelle Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, durant les années de la présidence de Ahmadinejad, une rhétorique anti-israélienne proprement génocidaire et négationniste était devenue monnaie courante. Mais, regrette l'historien Anna Levy, en prêtant bruyamment sa caution à la décision américaine, Netanyahou a contribué à ouvrir de nouveau le front nucléaire qui s'ajoute au conflit entre Israël et la coalition chiite en Syrie et au Liban. Alors que ni Jérusalem ni Washington n'ont un plan B pour le cas où les Iraniens refuseraient de céder aux oukases de M. Trump. Et le journaliste Serge Michel nous propose une plongée dans la société iranienne. Comment est-on persan en 2018 ? Serge Michel a longtemps vécu à Téhéran et il nous livre quelques clés de compréhension de cette société infiniment complexe. 3 siècles après les lettres persanes de Montesquieu, la méconnaissance du monde iranien et les caricatures dont il fait l'objet semblent toujours de mise. Comme si l'histoire de cette ancienne et très riche civilisation avait été balayée par la révolution islamique des mollahs et ses cohortes spectaculaires de femmes habillées en corbeaux qui avaient surgi sur nos écrans de télévision en 1979. Comprendre la société iranienne exige de se débarrasser de nos clichés et des contre-clichés forgés par les Iraniens eux-mêmes. Et dans ce numéro également, Valérie, un autre dossier sur les Kurdes, je crois. 40 millions de Kurdes sans État, des Kurdes de Turquie et de Syrie pourchassés par Erdogan qui veut les faire disparaître de l'équation politique de la région et un Occident qui s'est servi d'eux comme rempart militaire contre Daesh pour les sacrifier par la suite. D'où les Kurdes tirent-ils leur incroyable résilience, comme le rappelle Gérard Chalian, expert en géopolitique, même si leur situation est actuelle très difficile, les Kurdes n'ont jamais intériorisé la défaite. C'est une histoire en marche et chaque génération écrit un chapitre. Et puis pour terminer, donc dans la partie littérature de la Revue des Deux Mondes, eh bien, l'écrivain Yannick Enel tient son journal de bord. Oui, l'auteur de « Tiens ferme ta couronne », qui était primé d'Issis 2017, se retrouve vite débordé entre ce journal à tenir, une plante dont il faut s'occuper et la lecture de Moby Dick. La plante lui a été confiée par un voisin qui vient de frapper à sa porte et Yannick Enel écrit « Parler en pleine journée à un être humain sans m'y être préparé à l'avance me perturbe au point que je ne peux plus rien faire. En refermant ma porte, je ressasse ce qu'on m'a dit, ce que moi j'ai dit, ce que j'aurais dû dire, ce que je n'aurais pas dû dire. C'est fichu, je ne suis plus du tout concentré, je n'arrive plus à écrire. Du coup, je peux écrire ce journal. » C'est un peu votre chance, hein. Oui, du exactement. Coup, Valérie, ce journal qu'on peut lire dans les colonnes de la Revue des Deux Mondes, cela et bien d'autres choses encore. Merci Valérie, à très Merci bientôt. Merci à vous. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes avec Frédéric Magie. Il vient nous parler de Colette et l'école à l'occasion de cette semaine de rentrée scolaire et de notre semaine spéciale. Et c'est avec une archive de l'écrivaine Chantal Thomas que nous entamons cette seconde partie. Pour moi, quand j'ai ouvert Claudine à l'école, c'était une rupture avec tout ce que j'avais lu jusqu'alors. C'est vraiment quelqu'un de 15 ans qui nous parle. Et j'avais déjà lu, évidemment, comme tout le monde, et j'avais 15 ans, et j'avais déjà lu, comme toutes les adolescentes, des livres précisément dans les personnages en cet âge. Mais pour la première fois, il me semble que j'ai eu l'impression que c'était vrai. Et tous les autres, ça m'a paru des reconstructions complaisantes d'adultes qui veulent nous faire nous identifier à quelque chose qu'on n'est pas. Et en lisant Claudine, j'ai été complètement survoltée, comme si, sans me le dire vraiment, mais comme si il m'a semblé que la littérature pouvait vraiment s'emparer de tout, de tous les âges et de toutes les émotions. Et elle le disait d'une manière aussi radicalement autre. C'est-à-dire, d'abord à partir de la vérité des sensations et à partir d'une vérité qui était non partageable. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'elle maintenait comme séparé et absolument clos le monde dont elle parlait, qui était le monde de l'école et le monde des adolescentes entre elles, des jeunes filles. Et ce monde, elle disait, je trouve, ce que vraiment aucun écrivain avait su dire, qu'il était entièrement sensuel, qu'il était amoureux, et que s'y passaient des histoires très violentes, qui avaient sans doute la radicalité ou l'abrupte de l'histoire de Phèdre, mais qui n'empêchaient pas les petites filles de copier leurs devoirs, de jouer dans la récréation, et puis de rire. Et que c'était un monde qui pouvait coexister avec celui des adultes sans se mêler. Vous inspire ce témoignage, Frédéric Maget, de Chantal Thomas, qui parlait au micro de Colette Felouse de sa première lecture de Claudine à l'école. D'abord, c'est toujours très émouvant d'entendre une écrivaine parler d'une autre écrivaine, deux grandes écrivaines en l'occurrence. Deuxièmement, Claudine ou les Claudines ont joué un rôle très important dans l'imaginaire ou la formation ou le parcours de beaucoup de femmes. Lorsque l'on fait des visites ou lorsque je fais des conférences, je rencontre très fréquemment des femmes surtout qui viennent me voir pour me dire, me confier quelle importance a eu cette découverte, à la fois le poids de l'interdit qui pesait sur l'accès à ces ouvrages et l'ouverture, ce que redit ici Chantal Thomas, à un monde à la fois vrai, sans faux semblant, pas maniéré, et sensuel, d'ouverture, de découverte de la sensualité, mais là encore une sensualité d'avant la faute, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sans le filtre du péché ou de la faute, un plaisir ou un désir redonné à sa complexité, en même temps à son authenticité. C'est ça aussi que j'entends. Et la dernière chose, évidemment, cette radicalité dont elle parle, et qui est effectivement une des forces, en tout cas du premier roman de la série, de Claudine à l'école, où on sent que tout le roman, qui n'est pas vraiment composé, en fait, on dit un roman, mais c'est pas tellement composé comme un roman, mais tout est porté par une énergie, qui est cette radicalité dont parle Chantal Thomas, et qui est encore très très perceptible. On entend aussi dans cette archive comment Colette a saisi un mystère qui est celui de ce monde de la jeunesse qui finalement est insaisissable une fois qu'on en est sorti et qu'elle parvient à restituer tout en lui gardant justement ce mystère sans l'éclairer de manière trop violente. Et c'est peut-être ça qui parle justement aux jeunes filles, aux jeunes garçons aussi, mais aux jeunes filles en particulier quand ils découvrent relativement jeunes des livres comme Claudine à l'école. Colette a beaucoup écrit sur le sujet, elle s'est toujours méfiée justement de cette vision un peu niaise ou idyllique qu'on pouvait avoir de l'enfance. Colette dit « si je ne devais évoquer mon enfance, il ne serait peut-être que drame ». Et justement, elle a une vision plus juste peut-être de l'enfance parce qu'elle ne veut pas mettre de côté la cruauté, la méchanceté, la sexualité, le rire, la joie, la violence qu'il y a dans l'enfance. Elle ne le gomme pas du tout, elle n'a jamais voulu le gommer. Et toute sa vie, elle a cherché à rester au plus près de ce qu'était pour elle cette vérité. D'où d'ailleurs l'extrême méfiance que Colette, dans tous ses romans, confesse à l'égard du monde des adultes, qui pour elle est le monde justement du renoncement et du compromis. Oui. Ce monde des adultes dans lequel elle entre grâce et à cause de Willy, qu'elle rencontre après sa scolarité. Comment fait-elle sa connaissance à ce Willy dont il faut rappeler qu'il s'appelait en réalité Henri Gauthier Villard et qui sera son premier mari au moment où ils s'épouseront le 15 mai 1893. Oui, il sera même son Pygmalion, on peut le dire. Écoutez, les versions sur la rencontre de Colette et Willy sont diverses. Disons que c'est une somme de choses, à mon avis, assez exacte. Le père de Colette se rêvait une carrière d'écrivain, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il s'était donc rendu à Paris aux éditions Gauthier-Villard, quai des Grands Augustins, réputés pour leurs ouvrages scientifiques, sans doute pour proposer un manuscrit ou un projet, ce qui tendrait à prouver que la histoire de Colette n'est pas juste jusqu'au bout. Il se trouve que Henri Gauthier Villard était le fils donc des propriétaires et qu'en moins un temps, il a travaillé. Et donc, il aurait reçu le capitaine à ce moment-là. Et en discutant avec le capitaine Colette, il aurait réalisé que le capitaine Colette et son propre père avaient fait les mêmes campagnes militaires. Alors, ça commençait à créer un lien. Et puis, le deuxième élément, c'est que Willy avait eu un enfant avec une femme mariée, la femme d'Émile Cole, l'inventeur du dessin animé. Et cet enfant qu'il va reconnaître, Jacques Gauthier-Villard, il va le placer en nourrice à Châtillon-Coligny, là où la famille s'est exilée, sous la surveillance du frère aîné de Colette, Achille. Et donc, il va être amené à venir très régulièrement à Châtillon-Coligny et donc à fréquenter de plus en plus la jeune femme, ce qui va conduire à ce mariage, même si il faut toujours rappeler que ce n'est pas du tout un mariage d'un vieux barbon avec une jouvencelle, parce qu'on le sait, Willy avait le front dégarni, le ventre bombé, il avait 14 ans de plus que Colette. Mais elle était amoureuse de lui. Elle était amoureuse de lui, et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand elle est à Châtillon-Coligny, cette jeune femme qui est déjà ressemble au personnage de Claudine, donc vous l'imaginez, cultivée, intelligente, vive, qui a le sentiment de sa supériorité, qui se voit dans une famille ruinée, dans une toute petite maison, et qui se dit « mais moi je vais mourir dans ce trou ». Lorsque ce journaliste, qui est déjà très lancé à l'époque, Willy, sous notamment le pseudonyme de l'ouvreuse, fait la pluie et le beau temps en matière musicale à Paris. Et lorsqu'il s'intéresse à la jeune femme, je pense que et les parents et la jeune femme n'hésitent pas un seul instant, et que pour Colette, dans un premier temps, c'est sa chance, et elle sait la saisir. Alors précisément, l'école et l'apprentissage pour Colette, ça va être aussi au contact de Willy. Qu'est-ce que c'est l'école de Willy pour Colette? L'école de Willy, ça va être les ateliers. Willy, plus qu'un nom, c'est une marque. Tout le monde sait à l'époque que derrière ce nom se cache une multiplicité de collaborateurs, à la fois pour écrire donc ses articles de critique musicale, comment pourrait-il de toute façon être à 5 concerts à la fois, et pour fournir donc tous les romans un peu légers qui sont faits pour satisfaire les goûts les plus libidineux des lecteurs mâles de l'époque. Et Colette, on le sait, va être très très vite associée à ces ateliers, puisqu'on a pu retrouver un manuscrit qui date de l'été 1893. Donc vous voyez, ils sont mariés en mai. Donc dès les premiers mois, il la met au travail. Et donc, elle va participer, on ne sait pas vraiment sous quelle forme, mais très rapidement à ses ateliers. Elle va côtoyer tous ces jeunes écrivains. Ce sont quand même des écrivains de talent, des gens comme Jean de Tinan, par exemple, ou d'autres, ou Claude Debussy, par exemple, Marcel Schwob, Catulle Mendès, qu'elle côtoie à cette époque. Et elle va découvrir, évidemment, tout un monde, et elle va être associée à cette fabrique de la littérature de l'intérieur. Et il est évident que ça, cela va l'influencer considérablement. Et je ne résiste pas au plaisir de vous faire réentendre cette archive de Colette qui parle de la découverte par son mari Willy du manuscrit de Claudine à l'école. Et quelle a été sa première réaction en lisant le manuscrit, Claudine? En lisant le manuscrit, Claudine, oui, quand j'ai eu fini, alors j'ai remis. Et j'ai remis à la maison mère ce que j'avais écrit sur des cahiers, dont d'ailleurs il m'avait fallu retrouver les cahiers les mêmes que j'avais à l'école, parce que sans ça je crois que je n'aurais jamais pu écrire. Alors j'ai eu les mêmes cahiers et puis j'ai écrit, et quand j'ai eu fini j'ai remis ma copie, et M. Willy a pris connaissance des manuscrits et il a dit tout de suite: ben non, je ne vois pas bien, non, vraiment pas, à quoi ça pourrait servir. Et on a laissé les cahiers là. J'ai trouvé ça très, très juste et très, sans doute très légitimé par la médiocrité des souvenirs que j'avais consignés sur mes cahiers d'école. Il y a donc eu une redécouverte de Claudine par la suite. Ah, mais je crois bien. Oh, quelle vieille histoire. Il y a eu un an, oh oui, un an après, probablement. Un an après, M. Willy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers et il a dit: tiens, je ne croyais pas que je les avais laissés là. Et puis il en a repris un. Et puis il a repris le second. Et puis le troisième, le quatrième, je ne sais plus du tout combien il y en avait. Il y en avait pas mal. Ça... Et alors il a eu en effet une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit: nom de Dieu, je ne suis qu'un con. Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Ohlendorf. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain. On On ne s'en lasse pas de cette archive, de la connaître par cœur, Frédéric Magé. Oui, ça m'amuse toujours parce que c'est toujours, je parlais tout à l'heure, la mise en scène de soi pour le personnage de Claudine, mais vous voyez encore dans cette interview tardive de la mise en scène de soi derrière un micro. Oui, alors cette histoire évidemment est bien connue, Colette l'a beaucoup racontée, elle n'est pas très exacte à mon avis sur la chronologie ou les dates, mais enfin disons qu'effectivement ça s'est probablement passé comme ça. Willy, qui entendait Colette raconter cette histoire, lui a proposé de les coucher sur le papier. Colette s'est exécutée sans trop y croire, en tout cas elle raconte qu'elle est allée chercher ses cahiers d'écolière pour la rassurer finalement, puisqu'elle était excellente en composition française. Vous savez qu'au brevet élémentaire elle avait eu 17 sur 20, qui était la meilleure note de toute la session. Elle n'était pas très bonne en maths. Ah non, pas très bonne en maths, ça c'est certain. Pourtant, elle savait compter par la suite, mais elle n'était pas très très bonne en maths. Et donc Willy lui a réussi à faire quelques faillites aussi. Mais bon. Oui, oui, oui. Mais enfin, elle s'en est bien sortie, je crois, quand même. Elle a réussi à assurer son indépendance financière, ce qui, pour une femme, dans ce premier demi-siècle, était déjà extraordinaire. Donc Willy, ensuite, a découvert le travail. Sans doute qu'il n'a pas compris trop dans un premier temps, et il les aurait ressortis. Alors, l'écriture daterait de l'été 1895, donc la publication de 1900, donc il s'est quand même passé 5 ans entre l'écriture et la redécouverte des manuscrits. Il a essayé de le placer chez plusieurs éditeurs, ça s'est pas fait aussi automatiquement que le dit Colette, et puis c'est Ohlendorf qui va remporter la palme, et les autres évidemment vont s'en mordre les doigts. Donc c'est aussi un peu Willy à l'école de Colette, parce que elle lui apprend aussi des choses, et peut-être qu'elle lui montre comment on peut écrire de façon plus libre, par exemple. Non, je pense pas. D'abord, sur ce que Willy a pu apporter à Colette, notamment dans ses premiers romans, on ne le sait pas, puisque les manuscrits ont disparu. Les manuscrits de Claudine à l'école et les manuscrits de Claudine à Paris ont été détruits probablement par le secrétaire de Willy à la demande de Willy. Il nous reste aujourd'hui donc les manuscrits de Claudine en ménage et de Claudine s'en va, plus récemment qui viennent d'être redécouverts, les manuscrits de Mine et les égarements de Mine, qui nous permettent, eux, de nous faire une idée de la collaboration. Sauf que, évidemment, c'est déjà le deuxième et le troisième volet. Donc, on peut imaginer que pour le premier et le deuxième, il y avait plus de corrections, puisque Colette ne connaissait vraiment pas le métier d'écrivain. Quant à votre remarque, je crois qu'il ne faut pas prêter à Willy plus que lui-même ne s'en prêtait. Il ne s'est jamais vu, il n'a jamais réfléchi à faire de la grande littérature. Lui, il fabriquait de la littérature pour son époque. C'est un peu comme des romancières ou des romanciers d'aujourd'hui qui discutent avec leurs lecteurs à travers des blogs ou à travers des mails pour savoir ce qu'ils aimeraient lire. Mmh. Willy, lui, c'est ça qu'il faisait. Il faisait de la littérature qui était destinée à se vendre tout de suite et à rapporter de l'argent. Donc, je pense pas que Colette, il parlait pas de littérature. Lui, ce qu'il voulait, c'est que ça rapporte. Ça rapporte. Voilà. Alors probablement, néanmoins, il avait quand même une production qui était très importante. Il a donné quelques conseils à Colette de composition, de simplification du style, des conseils écrits, mais peut-être aussi oral. Et permis peut-être à Colette, effectivement, de maîtriser un petit peu ce qui était au départ peut-être trop spontané. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup ce que disait Paul Dolander, qui a beaucoup écrit sur les Claudines, c'est-à-dire que la part de Colette est peut-être moins importante qu'elle le prétendait, et celle de Willy plus importante que celle que Colette prétendait. On est dans cet interstice, en réalité, dans cette collaboration. Et sur la génétique alors de ce texte, est-ce que on sait comment finalement on passe de Colette à Claudine, comment la transposition se fait? Est-ce que vous avez pu étudier d'un petit peu près justement la fabrication de ce texte fondateur? Oui, alors je parlais tout à l'heure de Paul Dolander, donc lui a écrit un ouvrage qui est vraiment une mine, qui s'appelle Colette et ses apprentissages, où il a vraiment étudié très très précisément les manuscrits que nous possédons ensemble pour essayer de faire la part de ce qui appartient à l'un et de ce qui appartient à l'autre. Bon, disons que dans Claudine à l'école, en l'absence de manuscrits, on peut estimer assez vraisemblablement que toutes les parties, notamment de description des bois, toutes les parties consacrées au personnage de Fanchette, une grande partie de tout ce qui est patois, Poyaudin évidemment, et de l'univers de l'école appartient à à Colette en propre. Ce qui appartient à Willy, c'est peut-être justement ce qui a le plus vieilli dans la série des Claudines, c'est-à-dire les allusions... Vous dites ça parce que vous aimez tellement Colette que vous ne voudriez pas qu'il en soit non, autrement. Non, parce que j'aime beaucoup Willy. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui le dénigrent. Sans Willy, et Colette le disait, Sido aussi, il n'y aurait probablement pas eu de Colette, en tout cas... pas la même, c'est certain. C'était quelqu'un de très sympathique. C'était un très fin musicologue, faut quand même le rappeler. Un grand défenseur de Wagner, un grand défenseur de la musique de son temps. Un homme très spirituel, très drôle, très cultivé, qui a sans doute beaucoup apporté à Colette. Et Colette l'a beaucoup aimé. Elle ne dit pas le contraire, d'ailleurs, dans La Vagabonde. Non, mais elle façonne quand même de lui l'image qu'on en a aujourd'hui, et qui est une image pour le moins acide. Elle va façonner cette image à partir de 1936 dans Mes apprentissages. Pourquoi ? Parce que en 1909... Mes apprentissages, elle aurait pu parler de l'école, là, justement. Elle va parler de son école auprès de Willy, mais pas alors là en bon terme, puisque Willy ayant appris en 1909 que son mari avait vendu les droits des Claudines aux éditeurs pour payer ses dettes de jeu, là, elle se trouve quand même du jour au lendemain définitivement dépossédée de toute propriété sur ses œuvres. Et ça va finalement déclencher chez Colette quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors, une revendication de créatrice. Et là, elle ne pardonnera pas à Willy. Donc, il sera à partir de ce moment-là le vieux salaud, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et toute la presse de ces années-là se fait l'écho de la guerre rangée entre les deux ex-époux. Et Colette réglera définitivement son compte à Willy en 1936 en écrivant Mes apprentissages, sous-titré Ce que Claudine n'a pas dit. C'est-à-dire qu'elle va dire cette fois sa vérité. Non seulement il lui a volé la maternité de ses œuvres, mais il l'enfermait pour écrire, voire avait la main quand même assez légère lorsque la copie n'arrivait pas assez vite. Et j'ai regardé la bande-annonce du biopic dont je parlais tout à l'heure. Ils se sont directement inspirés de ça, parce qu'on voit Willy qui enferme Colette. De toute évidence, ça ne s'est pas passé comme ça, mais vous le disiez très bien, c'est néanmoins l'image qui restera à jamais de Willy, qui mérite quand même un peu mieux que cela. Alors j'imagine que à la maison de Colette, dont vous vous occupez, il y a une librairie. Est-ce que spontanément, les visiteurs achètent Claudine à l'école? Est-ce qu'ils associent finalement Colette avec, donc on l'a dit, avec la jeunesse, oui, mais avec le système scolaire ou les représentations qu'on a de l'école en général, Frédéric Magé? Alors, ils achètent massivement Claudine à l'école. Toujours aujourd'hui. Des milliers d'exemplaires qui ont été vendus depuis l'ouverture et la bande dessinée dont vous parliez tout à l'heure souvent. C'est celui qui se vend bien. Le plus. Ah oui. Plus que le blé en herbe. Plus que le blé en herbe, ça s'en contredit, mais à la limite, on pourrait le comprendre parce que le blé en herbe, ça se passe en Bretagne. Bon. Mais par contre, ils pourraient acheter. Oui, mais c'est très bien, mais ça se passe pas à Saint-Sauveur en Puisaye. Donc, on pourrait penser qu'ils vont acheter La Maison de Claudine et Sido. Qui sont directement inspirés de l'enfance. Alors bien sûr, ils les achètent, mais massivement, ils préfèrent la série des Claudines. Alors pour une raison qui n'est pas celle que vous avancez, qui est une raison qui satisfait de bas instincts chez les lecteurs, oui. C'est qu'en fait, on raconte que Claudine à l'école, c'est un roman vengeance. Puisque Colette se venge des habitants de Saint-Sauveur qui avaient condamné sa famille à l'exil. Et du coup, eh bien, ça leur plaît beaucoup parce qu'ils se disent que ça va être croustillant. Merci beaucoup Frédéric Magé. Je rappelle donc Le Cahier de Lerne que vous avez co-dirigé avec Gérald Bonal. Vous avez également édité, établi et présenté toujours chez Lerne Une Parisienne pendant la Grande Guerre ainsi que Cadeau de Noël et puis j'en passe. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir par eux-mêmes donc la maison dont on parlait à l'instant, ils peuvent évidemment se rendre à Saint-Sauveur en Puisaye dans cette belle région de Bourgogne. Cette émission vous était proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Morgane Danan. Demain, on continue de parler des souvenirs d'école et de lycée. On le fera à travers le livre La ville et les chiens de Mario Vargas Llosa, dans lequel le prix Nobel de littérature raconte ses années d'internat militaire.